Vous êtes normand, vous êtes picard et vous nous rejoignez sur Espace dans l'after school des vacances, j'ai envie de dire. Il est 18h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui dans l'Aude qu'au moins 80 millions d'euros seraient débloqués par l'État dans les prochains jours dans le cadre d'un fonds de roulement, une semaine après les inondations qui ont fait 14 morts dans ce département. Selon la Fédération française de l'assurance, les assurances ont enregistré près de 16 000 déclarations de sinistres pour un coût final des dommages assurés estimé à 200 millions d'euros. Les assureurs estiment que les inondations pourraient au final avoir occasionné plus de 30 000 sinistres. Tariq Ramadan a reconnu avoir eu des relations sexuelles 100% consenti avec deux femmes qu'il accuse de viol au cours de son audition par un juge d'instruction aujourd'hui, selon son avocat. L'islamologue suisse mis en examen pour viol et viol sur personne vulnérable avait jusque-là nié tout rapport physique. Tariq Ramadan, mis en examen depuis le 2 février, a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Son avocat a également annoncé une nouvelle demande de remise en liberté. Un prêtre de 38 ans a été retrouvé pendu dans son presbytère à Gien dans le Loiret alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pour suspicion d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Le corps du père Pierre-Yves Fumery a été découvert samedi. Le procureur de Montargis a confirmé qu'une enquête préliminaire avait été ouverte le 21 septembre suite à des informations préoccupantes. Les résultats viennent de tomber et ils sont sans surprise. À 85 ans, le président Paul Biya, qui briguait un 7e mandat consécutif à la tête du Cameroun, a été réélu avec 71,28% des suffrages exprimé. Le président du Conseil constitutionnel camerounais l'annonce. Les résultats officiels de la présidentielle sont proclamés 15 jours après le scrutin du 7 octobre. Maurice Kamto, le candidat de l'opposition qui avait revendiqué la victoire, est deuxième avec 14,23% des votes. Cabral Livy arrive troisième à 6,28%. Enfin, l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, est déjà disque de diamant avec plus de 631 473 exemplaires vendus en 3 jours selon Warner Music France. Les 3 quarts des 800 000 disques mis en vente ayant déjà été achetés, la maison de disques a relancé la fabrication de nouveaux CD de Mon pays c'est l'amour, le 51e opus de Johnny Hallyday. Sur la plus normande des radios, Dorian. On continue jusqu'à 21h avec David Guetta et Anne-Marie, donc Leave Me Alone. Espace, plus de sons, plus de tubes. I don't wanna like them, we be honest. Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer. And never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're you ever leave me, don't leave me alone.

C'est l'anniversaire de votre enfant, parents, amis, et vous voulez leur faire plaisir? Alors faites-leur une belle surprise en leur offrant un gâteau personnalisé avec leur photo dessus. Que vous fassiez votre gâteau vous-même ou que vous le fassiez chez votre pâtissier, avec photo-sur-gâteau.com, l'effet est garanti. Que vous soyez particulier, boulanger, pâtissier ou traiteur, passez votre commande sur notre site photo-sur-gâteau.com et nous vous l'expédions à votre domicile dès la minimum 48 heures. photo-sur-gâteau.com, c'est aussi des décors pour personnaliser vos gâteaux. photo-sur-gâteau.com, c'est près de chez vous, à 15 km de Pont-Audemer, à Appeville-Anneau. Cliquez et commandez www.photo-sur-gâteau.com. Retour des meilleurs tubes dans quelques secondes sur Espace. L'Espace de Forge et Propulsion crée l'événement à Forges-les-Eaux samedi 27 octobre à 20h30. Le groupe Gang Le Perron, composé de musiciens de Jean-Jacques Goldman, vous propose un concert hommage à Johnny Hallyday. Une soirée avec 10 artistes sur scène. Les tubes de l'idole des jeunes, toujours présents dans les esprits, en live ce soir-là à travers des réinterprétations exceptionnelles. Renseignements et réservations 02 32 89 80 80, point de vente habituel ou sur gangleperron.fr. How you do it, so? Every time, that time, you make my speak, so. Every time, that time, you make my speak, so. Every time, that time, you make my speak, so. Bite your lips, so. Wine pon the rhythm like a lips, so. My eyes shine bright like a disco. Your nose, I'm a bad before the intro. Wine pon the hood. You never know me where they call pon the boat. Wine pon the table, wine pon the bowl. Before we do it, baby, you better pull, so. Under the kush, under me Guinness, under me Magnum, under me Hennessy, under me rum. Baby, you a go see the long gun. Where you run go? How you twist, sir? Every time that time you make my stick, sir. Every time that time you make my stick, sir. Every time that time you make my stick, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like a lip, sir. My eyes shine bright like a disco. Your nose on my butt before the inch. Girl, you so sexy. Coca-Cola shape, no Aqua Pepsi. Don't pa take it too long for my tet pitetsi. Don't they flat colored for my tequila nexi. Hey, Nancy, better get pregnancy. Looking that you call emergency. None of them can just not. We are do it everywhere, them can't stop we. How you do it, sir? Every time that time you make my speak, sir. Every time that time you make my speak, sir. Every time that time you make my speak, sir. Straight my dan, never know what's so the tight for real my dan. Better lift her up on the big dive and what are you? Who run the place right now? Right. Who are represent straight for every island? Yeah. You all are the man, them want get the mansion, my baby. Where you get it from? How you do it, sir? Every time that time you make my speak, sir. Every time that time you make my speak, sir. Every time that time you make my speak, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like a lip. Is here. Un voyage. Oh, taking of me. I need some loving. And baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. And when I get that feeling, I want that sexual healing. Sexual healing. Oh, baby, makes me feel so fine. Helps to relieve my mind. Sexual healing, baby, is good for me. Sexual healing is something. Sûr que vous l'écoutez en boucle depuis qu'on vous l'a fait découvrir sur Espace il y a quelques mois. Marvin Gaye, Sexual Healing, remixé par Kaigo à l'instant en Normandie, en Picardie, du côté des Anglis où avait lieu ce week-end la fête de l'automne. Et je tiens à embrasser tous nos amis de l'OCLA pour cette belle organisation. C'était encore une fois un bel événement. Il est tout juste 18h18. Voici notre sélection du jour. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, ça y est, c'est reparti, nouvelle semaine et nouvelle sélection Espace, et en plus c'est les vacances, alors pour ceux qui en ont, bonnes vacances. On commence avec Rouen jusqu'au 18 novembre, vous le savez, c'est parti pour la foire Saint-Romain. Sur l'esplanade Saint-Gervais, les manèges vous attendent pour un mois d'animation. Ensuite, on se dirige déjà vers les événements du week-end avec ce samedi 27 octobre à 20h30 à l'Espace de Forge à Forge-les-Eaux, un grand concert hommage à Johnny Hallyday organisé par le gang Le Perron avec notamment les musiciens de Jean-Jacques Goldman et une dizaines d'artistes sur scène. Ensuite, ce dimanche 28 octobre, rendez-vous du côté de Conches-en-Ouche pour la fête de la pomme, du cidre et du fromage. Ça se passe à l'Arboretum. Info 02 32 30 76 42 ou sur le www.conches-en-ouche.fr. Et rendez-vous également ce dimanche du côté d'Honfleur pour un salon toute collection. Ça se passe au Grenier à Sel. Et vous le savez, vendredi soir en direct entre 19h et 21h, je vous retrouve avec Louis et Mickaël pour l'Open Show partie 2 spécial Halloween. Laissez-nous vos messages 0 950 35 50 50. Passez une très belle soirée sur Espace. Tu as ce regard insensé quand ton corps se met à danser. T'es au-dessus des lois, le monde est à toi. T'es déjà dans toutes mes pensées, je cherche un mot à balancer. Tu es là devant moi, je reste sans voix. Je veux ta main dans la mienne, je veux me prendre à ton cou. Si je te dis que je t'aime, me prendras-tu pour un fou? Je te veux comme ami, comme amante. Sans toi je me tourmente. Écoute-moi. se mélanger, se croiser, se mettre en danger. Toi jolie, moi jaloux, le monde est à nous. Qu'est-ce que t'en dis, laisse-moi tenter. Elle me pique ta peau pimentée. Dis-moi à quoi tu joues. Je brûle partout. Je mets ta main dans la mienne. Je m'avance et je parie que tu me diras je t'aime. Yo te quiero. Mais tu es déjà parti. Je te veux comme ami, comme amante. Sans toi je me tourmente. Écoute-moi. T'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Insomnie, insolente. Chaque nuit tu me tentes. Écoute-moi. T'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Tu sais qu'il y a mon mio. Si tout te passe. T'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, je te suis, tu me fuis. Je refais le monde avec des signes. L'impression que tu m'envoies des signes. Dis-moi si c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, je me dis, je t'attends. Dis-moi je t'aime ou dis-moi va-t'en. Plus les temps, dis-moi si c'est toi. Je te veux comme ami, comme amante. Sans toi je me tourmente. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça. Insomnie, insolente. Chaque nuit tu me tentes.

Bonsoir à tous. Face à la baisse de la consommation laitière, le groupe Andros a annoncé au début de l'été sa volonté de supprimer 116 emplois sur le site Novandi à Maromme. Une quarantaine de salariés seraient par ailleurs repris à l'usine Dono en Eure-et-Loir. Les syndicats ont présenté cet après-midi un plan social alternatif avec notamment des départs volontaires en retraite à 57 ans et le maintien sur le site de Maromme de 101 emplois sur 3 lignes de production au lieu de 4 aujourd'hui. Tariq Ramadan, l'islamologue mis en examen pour le viol de deux femmes avec lesquelles il niait jusqu'ici tout rapport physique, a finalement reconnu aujourd'hui devant les juges d'instruction avoir eu des relations sexuelles consenties avec elle et notamment avec la Rouennaise Enda Ayari. Interpellé jeudi dernier, un homme a été mis en examen pour les faits de viol et de violence, puis placé en détention provisoire. L'agresseur aurait contraint une mère de famille qui se garait à rester dans sa voiture, puis à l'emmener dans un sous-bois des Hauts-de-Rouen. L'homme l'aurait alors frappé et abusé d'elle. Une scène sous les yeux de la fille de la victime, une enfant de 2 ans installée à l'arrière du véhicule. Un peu plus de 2 ans après la mort de 14 personnes dans l'incendie du bar rouennais, le Cuba Libre, une stèle en hommage aux victimes a été posée près du bar hier. Seuls les proches ont assisté à l'inauguration de la stèle commémorative. La stèle, financée d'ailleurs par la municipalité, ce matin, des dizaines de roses blanches ont été posées à proximité. 250 foyers de Val d'Orgé ont été privés d'eau potable aujourd'hui en raison de la rupture d'une canalisation située le long de la départementale 6014. Jeudi dernier, cette même canalisation avait déjà rompu, selon Veolia, une marnière pourrait fragiliser la conduite d'eau et demande donc au service du conseil départemental des travaux de stabilisation du terrain. Et puis en raison cette fois de la présence de particules d'argile et de limon, 12 000 habitants d'Yvetot et de Saint-Clair-sur-Léman, Sainte-Marie-des-Champs, Osbosc ou encore Valliquerville ne peuvent pas consommer d'eau du robinet depuis vendredi. Le retour à la normale n'est pas attendu avant mercredi. Pendant 14 ans, le groupe Bayer a commercialisé l'implant Essure. Selon le ministère de la Santé, 175 000 femmes y auraient eu recours. Autant de victimes potentielles, Solène Duloup. Ces deux petits ressorts de 4 cm posés par voie naturelle dans les trompes de Fallope offraient une alternative à la chirurgie nécessaire pour la ligature des trompes. En France, l'implant a été retiré du marché l'an passé. Explication d'Emilie, déléguée régionale de Résiste, l'association de victimes qui compte une centaine de membres en Normandie. L'effet secondaire le plus répertorié, c'est surtout la fatigue et les douleurs. Après, ça peut être des problèmes ORL, visuels, troubles neurologiques. Ça touche des personnes qui sont allergiques à des composants ou qui ne le sont pas. Il y a une majorité de femmes à l'heure actuelle qui ont été explantées. Les conséquences sont encore là. On ne sera plus jamais les personnes qu'on a été. Au Havre dimanche, l'association Résiste organisait une journée de soutien aux victimes et d'information sur l'action de groupe entamée depuis mars dernier contre la multinationale afin de démontrer la défectuosité du produit et le défaut d'information. Je pense surtout à celles qui ont eu beaucoup d'errances médicales dans leur parcours. On leur a dit que c'était peut-être dans leur tête. C'est de l'ordre de la reconnaissance pour ces personnes-là qui n'ont pas été entendues. L'avenir nous dira s'il y a des indemnités aussi qui peuvent se mettre en place. Pour les femmes qui portent toujours l'implant Essure de Bayer, le protocole de retrait rentrera en vigueur à la fin de l'année. Merci Solène. Et puis à présent, un point sur les prévisions météo pour demain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Et puis côté météo, pour demain, c'est le retour d'un grand et beau soleil. Le thermomètre franchira péniblement la barre des 16 degrés sur Songeon, le plateau du Neubourg ou encore Pont-Audemer, 17 degrés sur la métropole Rouen-Normandie, le Pays de Bray, Bernay, Louviers, Évreux, le Vexin Normand et Beauvais. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Un grand merci Eric, suite de l'information tout à l'heure à 19h30. Pour l'instant, 18h35, il fait un peu frais. Et on démarre cette nouvelle demi-heure avec Dinoro, Gigi D'Agostino et My Mind. The dreams we had, the love we shared.

fois que l'on écoute ce titre, ça nous rappelle ce 15 juillet 2018. Nous sommes champions du monde, ouais, c'est bien réel, et on est trop fort. C'était Magic System avec Magic in the Air remixé pour la Coupe du Monde 2018. Allez, 18h50, vous nous laissez vos messages au 0 950 35 50 50, et en voici deux provenant de Château-sur-Epte et de Vendrimar. Écoutez. Bonjour, le FLEP de Vendrimar organise pour la première année sa fête de la pomme et du terroir. Rendez-vous le 28 octobre de 10h à 18h au centre socio-culturel. Vous y trouverez un groupe folklorique normand, un marché fermier, un concours de tarte aux pommes ouvert à tous, remise des tartes à partir de 10h, exposition de matériel des brassages et surtout un repas normand le dimanche midi. Au menu, feuilleté d'andouillettes, sauce camembert, filet mignon au cidre, purée, salade fromage, tergoule pour 13€. Sur réservation au 06 27 34 39 58. À bientôt. Bonjour, Nathalie Caillot, maire de Château-sur-Epte. Nous organisons un spectacle son et lumière le samedi 10 novembre 2018 à 19h sur la muraille du château, retraçant la grande guerre de 14-18. Cet événement sera clôturé par un feu d'artifice. Merci, 06 68 60 37 04. Au revoir. Vacue toute ma haine, je meurs. Comme une bombe dans un concert, un soleil dans l'hémisphère, je meurs. Mon corps se déchaîne, je danse à perdre haleine, je meurs. Je suis un amoureux du vice, un putain de terroriste, et je meurs. Ça sent un dernier verre. Je veux que tu finisses par terre. Je veux m'envoyer en. Vas-y, oublie tout, oublie tout. Vas-y, oublie tout, oublie tout. Dans cette jeunesse abyssale, je cherche mon idéal, je meurs. Voici entre un whisky coca et un shot de tequila, je meurs. Du rhum à chez moi, je sens qu'il n'y a qu'un pas, mais je meurs. C'est je cherche la sortie, le sens de ma vie, et je meurs. Sortons un dernier. Tu finisses par terre. Je m'envoyais en l'air. Goûter l'atmosphère. Vas-y, oublie tout, oublie tout. Vas-y, oublie tout, oublie tout. Mon lexique dans la tise. Je me socialise, j'improvise. Je minimise mon analyse. Je cicatrise dans l'alcoolisme. Au fond je crois que j'agonise. Au fond je crois que j'agonise. Petit à petit, et vous les retrouverez en concert prochainement le 21 mars du côté d'Evreux et le 11 avril du côté du 106 à Rouen. Dépêchez-vous de prendre vos billets, je peux vous dire que ça part très très vite. C'était Thérapie Taxi, coma idyllique en Normandie, en Picardie, tout juste 18h54. Voici la proc télé de ce lundi soir et c'est avec David Leroy. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 22 octobre. Ce soir sur TF1, attention les amis, c'est un événement. Hein. C'est le retour de Joséphine Ange Gardien avec Mimi Mati Mertung. Écoutez, c'est un inédit. Et en plus, qu'est-ce qu'y a-t-il donc dans cet épisode en guest? Le cuisinier Thierry Marx. Et donc, tu te dis forcément, s'il y a Thierry Marx, ça va se passer en cuisine. Bingo! C'est dans une école de cuisine qu'elle va devenir en aide à des gens et à la fin, hula hoop barbatruc, tel barmamama, elle va disparaître. France 2, Tech 2, enquête en duo pour débuter la soirée avec un couple qui mène des enquêtes et tout, et ils trouvent les méchants à la fin, le truc normal. 22h40, stupéfiant avec Léa Salamé. Ah, maintenant, elle se cache le visage quand elle rigole avec ses petites mains. Elle est trop drôle, trop mimi, trop choupinette. C'est une spéciale salle de cinéma. France 3, le Géo trouve toute la chaîne Jamie à son prime, le monde de Jamie. Et ce soir, il va nous expliquer les colères du ciel. Canal, ça fait plaisir de revoir cette série revenir. Ça envoie le pâté. Le bureau des légendes, c'est français, ça nous permet de nous dire qu'on est capable de le faire. Arte les voleurs, un film policier d'André Téchiné, c'est avec Catherine Deneuve et Daniel Auteuil, mais attention, hein. Film des années 90, au niveau rythme, c'est pas Bruce Willis qui sauve le monde, hein. Que nenni, on est plus proche de l'inspecteur Derrick. M6, l'amour est dans le pré. Bon, et ça n'arrête pas, les fights, les clashs, ça devient presque insupportable cette saison. Hein. J'ai décroché, autant au début ça allait bien, tu vois, et puis là, les embrouilles chaque semaine, ça commence à me gaver. J'ai l'impression de voir une émission de télé-réalité avec les Marseillais ou les Ch'tis, et là j'ai du mal. Le meilleur de la TNT, C8, Toy Story, histoire de te pourrir la soirée si tu as des enfants. W9, Divergente. Bon, je veux rien dire dessus, mais on pourrait partir en cacahuète hein, avec ce titre. Hein. Divergente. Allez-y, cherchez. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Espace. Redécouvrez les tubes de la décennie 90. Espace 90s sur Espace. Et voilà, 18h56 sur Espace. L'after school des vacances touche à sa fin. Demain, vous retrouverez Max jusqu'à 19h. Et nous, on poursuit dès maintenant avec l'afterwork, comme d'hab, entre 19h et 21h. Mais juste avant ça, c'est Masterboy Land of Dreaming. Bonne soirée à tous, soyez prudents sur les routes et puis bonnes vacances à ceux qui en ont. Flies. I lose control as it seems, and I start living in the land of dreams. Everybody in the land of dreaming, everybody in the land of dreams. Everybody in the land of dreaming, everybody in the land of dreams. Oh, living in the land of dreaming. Oh, living in the land of flies. I try to relax and to free my mind, so I can leave everything behind. Pictures circle around my head, some are good, some are bad. I lose control as it seems, and I start living in the land of dreams. Everybody in the land of dreaming, everybody.